Putain, mais j'essaie de parler sur Ninja, mais en... Non, je veux pas être malade. C'est lui, hein. Il n'y en a que deux qui jouent. C'est toi et lui. Ah, c'est lui.